Ekitata dongo benanga tambete bale. Ekitata dongo benanga tambete bale. Tata muso kenda benanga bambeta bale. Bunenge bunanyome benanga bambeta bale. Ekitata dongo benanga tambete bale. Ekitata dongo benanga tambete bale. Tata muso kenda benanga bambeta bale. Oh, si fè a l'ikòl ou men. Yè lou lè, yè lou lè. Ou men a zinana. Men a e la ou koso ou nan zara do sa manya la ou ti fè a l'ikòl ou men.